Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 18h, vous êtes sur le 107FM Radio Guimauzo. Alors d'habitude on retrouve Lia à cette heure-ci, mais non, là elle est en vacances. On retrouve Lou, pardon, qui est en vacances, mais Lia ne sera avec nous maintenant plus que le lundi de 12h à 13h, ainsi qu'également pour sa chronique Minute Bonheur de 8h et 13h30 le mardi. Mais si nous sommes ensemble, c'est pour faire un petit tour relativement rapide de ce qui se passe sur Épinal, sur les Vosges en général. Donc un petit billet de sortie, alors on commence avec ce vendredi soir, 3 août. Ça se passe à Cornimont, au parc de la mairie. La compagnie Alambic présente une pièce de théâtre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les majorettes. C'est l'histoire de deux femmes, une qui veut créer une troupe de majorettes et une autre qui souhaite peut-être intégrer cette troupe. Deux femmes qui osent tout puisqu'elles n'ont plus rien à perdre. Le spectacle est gratuit, en plein air. El Pot de l'Amitié est offert par la municipalité. À 20h, à Cornimont, parc de la mairie. Également ce vendredi soir, à partir de 21h à Épinal, dans Épinal Bouge l'été, Bentouri Machine, ça se passe place des Vosges et c'est gratuit. Mais tant qu'à faire, je vous donne celui du mercredi 8 août, compagnie Commun Accord, dans le Petit Cirque, un spectacle de duo acrobatique et poétique, au Parc du Château, à partir de 15h, toujours gratuit. Et vendredi prochain sera encore un concert à Place des Vosges, à 21h toujours. 6 musiciens pour un répertoire de trans folklorique napolitaine, La La La Napoli. Ça, ce sera vendredi prochain. Alors, il se passe pas mal de choses au parc de Besserlin. Je vais pas tout vous détailler parce qu'il y a trop de choses. Enfin, du 2 au 19 août, il y a des jardins illuminés, des personnages mystérieux, ambiance musicale, spectacle. Voilà, vous pouvez venir découvrir tout ça en soirée. Une expo s'ouvre à partir de ce soir 18h, où c'est... J'ai perdu le nom, c'est le vernissage, voilà. Tour de France des amis à vélo, présentant les dessins de multiples carnets de voyage. Donc l'auteur de ces dessins a fait le Tour de France en 3 mois, à vélo, croquant les paysages, les rencontres, les instants précieux. Donc tout ça, ça se passe du 4 au 8 août à la Galerie du Bailly, place des Vosges, à Épinal. C'est de 15h à 20h et l'entrée est libre. Ce samedi 4 août, mais il y a des animations jusqu'au 25 août. À l'abbaye d'Autray dans les Vosges, on vous emmène à la découverte du Jardin Céleste, Paix Originale et Bataille Céleste, à 21h. Ça, c'est pour ce samedi 4 août. Donc c'est un site remarquable qui n'est pas habitué à faire des festivals. Donc là, il y aura pas mal de musique. Je vous donne un petit peu le programme. Il y a les Cantiques d'Éden, Filippo Bitumo, Claudio Monteverdi, Carissimi, Francesco Capello, Adriano Banchieri. Et si vous êtes motivé, il y a des conférences l'après-midi à partir de 16h30. Samedi 4 août, ça se passe à Jarnay, boulevard Kelch. Vous connaissez l'adresse du grattoir. Alors, c'est du folk rock. Ça s'appelle Radio Verde. Ils viennent de Strasbourg. Radio Verde propose un set électro-acoustique mêlant reprise de chansons françaises faisant partie de la bande originale de sa vie et de la nôtre et des compositions. Donc en gros c'est des reprises, il y a pas mal de reprises, Radiohead, Jeff Buckley, Neil Young, Queen, Michael Jackson, Ben Harper, Aretha Franklin, Sting et j'en passe. Je vous rappelle qu'il y a toujours des places au Théâtre du Peuple. Il y a des concours de pétanque un petit peu partout. Là, je tombe sur celui de Saint-Maurice-sur-Moselle. C'est le vendredi à partir de 14h, pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir chaud. 4€ par personne. Ce samedi, un feu de la Saint-Jean à Saint-Maurice-sur-Moselle. Et ainsi qu'à Rue-sur-Moselle, au stade de rue, feu folie, feu d'artifice et spectacle. Les jardins en terrasse, c'est à Plombières, la plus belle journée de l'été, c'est le 5 août, c'est-à-dire dimanche. Alors il y a pas mal de choses, 12h30, Romain Dupuis, accordéon, 15h, les chemins du père Diode, fable écologique pour petits et grands. À 16h30, Jean-Claude Vorgy, concert avec un poète joueur de mots. Et à 18h, Jack Simard, qu'on connaît bien dans les Vosges, qu'on n'a plus besoin de présenter. Le repas du midi, c'est 18€ par personne. Réservation au 03 29 37 68 81. 03 29 37 68 81. Sinon, le reste des animations est gratuit. Et donc, je vous parlais vite fait du Théâtre du Peuple. Lens traversera la montagne, c'est dimanche à partir de 20h. Tout contact 03 29 61 50 48. 03 29 61 50 48. Et si vous voulez aller faire un petit tour au Rouge Gazon, ben, tous les mardis en août, apéritif concert sur la terrasse avec Gina Daniel à la guitare. C'est gratuit, c'est de 18h à 21h. Mercredi, vous pouvez aller. Mardi 10 août, vous pouvez aller mardi 7 août, j'y arriverai. Busan, marché artisanal, produits du terroir, artisanat local, animation. Et entre autres, animation musicale par Michel Giannini et Jean-Claude Lusson. Bien voilà, on a fait à peu près le tour de ce qui se passe sur le coin, tout au moins, j'ai pas été trop loin. Eh bien, je vous invite à vous renseigner, quoi qu'il arrive, de vous-même, par vous-même, soit par internet, soit par n'importe quel moyen. Mais bougez, il y a plein de choses, il se passe plein de choses, profitez-en. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur Radio Gamozo.